Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous avons terminé les aperçus, l'aperçu sur chacun des quatre madhab. Bon, nous allons commencer notre dars d'aujourd'hui, le 9e dars, par des questions auxquelles je vais répondre. Est-ce que les imams des madhab ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément sans chercher à connaître les preuves sur lesquelles ils se sont fondés? Est-ce qu'ils ont demandé aux gens de les imiter, de leur faire taqlid? Est-ce qu'ils sont infaillibles? Est-ce qu'ils ont cerné toute la sunna? Autrement dit, est-ce qu'ils connaissent tous les hadiths? C'est à ces questions que nous allons répondre, inshallah, avec des preuves à l'appui. Est-ce qu'ils ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément? Hacha lillah. Allah ne plaise en pensant une telle chose, c'est avoir une mauvaise opinion de ces grands imams. C'est les assimiler aux chers soufis qui ordonnent à leurs novices de suivre leur tariqa, leur chemin spirituel, sans se poser de questions. Au contraire, ces imams interdisent à leurs disciples et aux gens en général de les suivre bêtement. Et ils les invitent à revenir aux arguments du Coran et de la Sunna. Voici certains de leurs propos. Alors je commence par l'imam Abu Hanifa. L'imam Al-Hussein ibn Yahya Al-Zandawisti Al-Hanafi. Là, leurs propos, je vais les tirer de savants hanafites, de livres hanafites, et de savants qui sont reconnus dans le madhab hanafite. L'imam Al-Hussein ibn Yahya Al-Zandawisti Al-Hanafi, qui est mort environ vers 400. L'année 400 de l'Hégire, a dit dans son livre Rawdat al-Ulama wa Nuzhat al-Fudala, il a dit que qu'Abu Hanifa fut interrogé si tu soutiens un avis et qu'il s'avère qu'il y a dans le livre d'Allah une preuve qui le réfute, que doit-on faire? Il répondit: abandonner mon avis et adopter ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Ils lui ont dit: et si c'est un hadith qui remonte à l'envoyé d'Allah? Il a dit: abandonner mon avis au profit du hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Rawda Zandawistiya, du même auteur, il est rapporté qu'Abu Hanifa a dit: si je dis un propos qui contredit le livre d'Allah et le hadith de l'envoyé d'Allah, alors abandonnez ce que j'ai dit. La même chose a été dite par son élève, Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Bon. L'imam Zandawisti, comme j'ai dit, c'est une référence chez les Hanafites. Ibn Abidin le cite dans sa Hashiya, et Kamil ibn Humam dans Fath al-Qadir. Il parle de lui. Le faqih Hanafite Abu Layth Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi, il est mort à la fin du 4e siècle de l'Hégire, vers les 373 de l'Hégire. Il est l'auteur de Bustan al-Arifin, Uyul al-Masail, Khizanat al-Fiqh, Tafsir al-Qur'an. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ce faqih Hanafite? Il a dit: il nous est parvenu qu'Ibrahim ibn Yusuf rapporte qu'Abu Hanifa a dit: nul n'a le droit de donner une fatwa en se fondant sur un de nos avis sans connaître notre argument. La yahillu li ahadin an yuftiya bi qawlina ma lam ya'lam min ayna qulna. Cette tradition se trouve également dans le Bahr al-Ra'iq, Sharh Kanz al-Daqa'iq d'Ibn Nujaym al-Hanafi, qui est mort en 970 de l'Hégire, sous le chapitre suivant: Yajuzu taqlidu man sha'a min al-mujtahidin. Il est permis d'imiter quiconque on veut parmi les savants mujtahid. Et cette parole même a été dite par les quatre disciples d'Abu Hanifa, comme dans cette tradition rapportée par Abu Layth al-Samarqandi, qui a dit que quatre des élèves d'Abu Hanifa, Zufar ibn al-Hudayr, Abu Yusuf, Afia ibn Yazid, et un autre, ils se sont réunis chez quelqu'un à l'occasion des funérailles, et ils ont dit tous à l'unanimité, la yahillu li ahadin an yuftiya bi qawlina ma lam ya'lam min ayna qulna. Nul a le droit de donner une fatwa en se fondant sur un de nos avis sans connaître notre argument. Ibn Abidin a dit dans sa hashiya, dans Hashiya ibn Abidin, qui est très connu chez les Hanafites, il a dit qu'Abu Hanifa rapporte qu'Abu Hanifa a dit: tout hadith, quel qu'il soit, s'il s'avère authentique, alors je l'adopte. Idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. La même phrase a été dite par l'imam Shafi'i. Et dans une autre version, il a dit: il est interdit à quelqu'un qui ne connaît pas mes arguments de se servir de mes avis pour donner une fatwa. Haramun. Il a même dit illicite. Haramun ala man lam ya'raf dalili ay yuftiya bi kalami. Il a dit une fois à son disciple Abu Yusuf: malheur à toi, ô Yaqub, n'écris pas tout ce que tu entends de moi. Il se peut que je soutienne un avis aujourd'hui et que je l'abandonne demain. Et il se peut que je soutienne un avis demain et que je l'abandonne l'après-demain. Oui, haka ya Yaqub, la taktub kullama tasma. Fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Ça, cette tradition se trouve dans Hashiyat ibn Abidin al-Bahr Raq'iq. Il se trouve aussi dans l'intifa' fi fadl al-thalath al-fuqaha d'Ibn Abd al-Barr al-Maliki. Il se trouve dans I'lam al-Muaqi'in. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il se peut d'ici le lendemain, il lui parvient un hadith ou un raisonnement analogique plus fort ou un istihsan qui refute ce qu'il a dit et il change d'avis. C'est normal, ça. C'est, ne connaît pas un savant. D'ailleurs, on ne naît pas savant et on ne devient pas savant. Comme ça, d'un seul coup, on devient savant avec le temps et on évolue avec le temps. On découvre de plus en plus de preuves. C'est pourquoi, d'un même imam, on rapporte plusieurs versions. Par exemple, l'imam Ahmed, il est connu pour une seule mas'ala, il y a plusieurs versions. Parce qu'il change d'avis quand l'argument lui parvient ou quand l'examen, quand il examine attentivement les textes, il peut changer d'avis. C'est normal. Et je vous ai donné l'exemple du madhab qadim et du madhab jadid, du nouveau madhab et de l'ancien madhab de l'imam Shafi'i. Il a changé de madhab avec le temps, avec les arguments, quand il a découvert des hadiths. Avec la découverte des hadiths, bon, il change d'avis. Dans une autre tradition de l'imam Ahmed, il a dit: فَإِنَّنَا بَشَرْ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. Nous sommes des êtres humains, nous soutenons un avis aujourd'hui et nous revenons sur le même avis le lendemain. Dans son livre إِقَادْ هِمَمْ أُولِي الْأَبْصَارِ الْإِقْتِدَاءِ بِسَيِّدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, le Cheikh Salih ibn Nuh, il est connu sous le nom d'Al-Fulani, il est mort en 1218, c'est-à-dire en 13e siècle de l'Hégire. Il rapporte ce qu'a dit Ibn al-Izz al-Hanafi. Ibn al-Izz al-Hanafi, c'est celui qui a expliqué le dogme Hanafite, l'aqid al-Tahawiya, le dogme Tahawi. Il était qadi, il était le grand qadi, qadi al-Qudat à Damas, et puis il a été qadi al-Qudat, le grand qadi en Égypte. Il est né en 731 de l'Hégire, il est mort. Il est mort en 792 de l'Hégire. Regardez ce qu'il a dit dans Hashiyat al-Hidayah, Abu al-Izz al-Hanafi, une référence à Abu al-Izz. Il a dit: وَمَا يَقَعُ لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى مِنْ هَذَا أي من ترك العمل بالحديث الصحيح فهم مأجورون مغفورون لهم. Il a dit: quant à ce genre d'erreur qui arrive aux imams de la fatwa, ils en sont quand même récompensés et ils seront pardonnés. C'est-à-dire le fait de ne pas appliquer un hadith. Ils sont pardonnés. وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يُعْذَرْ فِي التَّقْلِيدِ. Et celui à qui la chose apparaît en toute évidence, c'est-à-dire quand il voit son imam ne pas appliquer un hadith, où il dit il ne m'est rien parvenu à propos de cette mas'ala, et qu'il découvre un hadith authentique sur la même question de son imam, il n'a pas le droit d'imiter aveuglément son imam. Il dit: وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يُعْذَرْ فِي التَّقْلِيدِ. Et celui à qui la chose apparaît en toute évidence n'est pas pardonné s'il suit sans preuve un imam. En effet, Abu Hanifa et Abu Yusuf rahimahumullah ont dit: il n'appartient pas à quelqu'un d'adopter notre avis sans savoir sur quel argument nous nous étions fondés. Il dit فإن أبا حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. Il n'appartient pas à quelqu'un d'adopter notre avis sans savoir sur quel argument nous étions fondés. Prenons le cas d'un homme, il dit, c'est toujours lui qui parle. Prenons le cas d'un homme qui suit Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cet homme voit que dans une question déterminée, l'avis d'un autre madhab est plus pertinent de l'avis du madhab qu'il suit. Ibn al-Izz al-Hanafi, il dit, s'il suit l'avis qu'il juge pertinent, c'est qu'il a bien fait. Cela n'entache en aucun cas sa foi, ni sa probité, ni sa loyauté. N'est-ce pas? Il dit, فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَبِي حَنِيفَ أَوْ مَالِكَ أَوْ الشَّافِعِ أَوْ أَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهِ وَرَأَ فِي بَعْدِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَذْهَبَ غَيْرِي أَقْوَى مِنْهُ فَاتَّبَعُهُ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي دِينِهِ. Quelqu'un, il suit Abu Hanifa, ou il suit Malik, ou Shafi'i, ou l'imam Ahmed, et il voit dans une question déterminée que l'avis d'un autre madhab est plus pertinent que l'avis du madhab qu'il suit. Celui-là, il a dit, s'il suit l'avis le plus, qu'il juge pertinent, c'est qu'il a bien fait. Cela n'entache en aucun cas sa foi, ni sa probité. Et cela fait l'unanimité du savant. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit وَلَا يَقْدَحْ فِي دِينِهِ وَلَا فِي عَدَالَتِهِ. Cela n'entache ni sa foi, ne porte pas atteinte à sa foi, ne remet pas en cause sa foi ni sa probité. Parce que les muqallidines, les imitateurs aveugles, les muta'assibines, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils taxent de kufr et de perversité celui qui adopte un avis contraire au madhab qu'il suit. Il dit بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit c'est une attitude correcte qui plaît à Allah et à son envoyé. La personne doit chercher la vérité. La vérité, même s'il est contraire au madhhab qu'il adopte. فمن تعصب لواحد. Regarde ce qu'il dit. فمن تعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة. Il dit celui qui s'attache inconditionnellement à quelqu'un d'autre que l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم et considère que son avis, que l'avis de cette personne-là, que son avis est l'avis juste qu'il faut suivre en dehors des autres imams qui sont venus après lui. ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة المتأخرين. فهو ضال جاهل. Il dit c'est un égaré et un ignorant. Celui qui s'attache inconditionnellement à un imam en dehors de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit que son avis est l'avis juste qu'il faut que tout le monde suive sans les autres imams. Il dit celui-là c'est un ignorant. Il dit فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Cela peut même le conduire à la mécréance qui doit être appelée à se repentir. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الآخر فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر. Il dit croire que les gens doivent obligatoirement suivre un imam particulier tout en excluant les autres imams, c'est le mettre sur le même pied d'égalité que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui constitue une mécréance. بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو يجب على العام أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمر. Il dit tout ce qu'il y a, c'est qu'il s'y est, ou plutôt il est du devoir de celui qui fait partie des gens du commun de s'en remettre à un imam sans fixer ni Amr ni Zayd, c'est-à-dire non, sans fixer quelqu'un de particulier. أما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. Il a dit celui qui aime les imams et s'allie à eux, il imite chacun d'eux dans ce qui lui paraît être en accord avec la Sunna, c'est qu'il a bien fait. فهو محسن في ذلك. والصحابة والأئمة كانوا مؤتلفين متفقين. Les compagnons et les imams s'aimaient et étaient d'accord entre eux. وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة. Il dit, ils tombent certes en désaccord à propos de certaines questions relevant de la science juridique. فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. Mais sachez que leur consensus est un argument catégorique et leur divergence, et la divergence de leur point de vue est une large miséricorde. Nous allons parler, inshallah, de ce point. Est-ce que l'ikhtilaf est miséricorde ou non? Cette question a besoin de détails. Puis il dit, là pourquoi il dit les compagnons étaient d'accord? Parce que les mutaassiba, ceux qui s'abstiennent, les opiniâtres, ceux qui s'attachent inconditionnellement à leur madhab, il y a des confrontations, il y a des oppositions et de la haine même entre eux, entre les adeptes de chaque madhab. Il a dit, ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون التابعين فبدون التابعين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة. Suivez bien ce qu'il dit. Et celui qui s'attache inconditionnellement à un imam, Hanafi, Maliki, Malik, ou Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou l'imam Ahmed, ou Daoud al-Zahiri, il a dit celui qui s'attache inconditionnellement à un imam particulier en dehors des savants qui l'ont succédé est comparable à celui qui s'attache inconditionnellement à un seul compagnon en dehors des autres. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون التابعين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين. Il est comparable à celui qui s'attache inconditionnellement à un seul compagnon en dehors des autres. كالرافضي والناصبي والخارجي. À l'instar du rafidite, du nasibite et du kharijite. Qu'est-ce qu'ils ont fait les rafidas, les chiites? Ils ont fait ta'assoub par rapport, ils ont soutenu inconditionnellement Ali. Les nasibites, ils se sont dressés contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont attachés inconditionnellement à Muawiyah. Les khawarij aussi, ils ont soutenu certains, ils ont exclu les autres. Bon, celui qui s'attache à Abu Hanifa et s'entête à le suivre, ou à l'imam Malik ou Ahmed ou Shafi'i, ben, c'est comme celui qui s'attache inconditionnellement à un seul compagnon. On sait que ceux qui se sont attachés à certains compagnons et désavoués les autres sont les Mubtadi'a, soit des Rafidites, des Nasibites ou des Khawarij. Il a dit, فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة. Il a dit, c'est cela l'état d'esprit des gens de l'hérésie et d'opinions arbitraires, que le livre, la sunna et l'ijma' établit qu'ils sont blâmés et loin de la voie religieuse. Fin de la parole d'Abul Az al-Hanafi. Il a même écrit une risala qui s'appelle Ittiba', qui réfute une risala qui donne la prééminence du madhab hanafite par rapport aux autres madhab, et dont l'auteur est le cheikh Mohammed bin Mahmoud al-Hanafi, un contemporain d'Ibn al-Izz. Un contemporain, un cheikh, il a fait une risala dans laquelle il fait prévaloir le madhab hanafite, et Abu al-Izz, qui est hanafite, il a fait risala pour répliquer, pour le réfuter. Quoi? Parce que bon, il condamne le ta'assub. Malik ibn Anas. Passons maintenant à l'imam Malik ibn Anas. Abu Omar ibn Abd al-Barr. Le grand ibn Abd al-Barr. Dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Le livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, dans le deuxième volume. Ibn Abd al-Barr, c'est celui qui a fait l'explication. Hein? L'explication de Muwatta Malik. Il a cité la chaîne de rapporteurs qui remonte à Malik ibn Anas. Il a dit Akhbarana Abdullah ibn Abd al-Mu'min, na Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qadi al-Maliki, haddathana Musa ibn Ishaq, jusqu'à Ma'an ibn Isa qui a dit Sami'tu Malik ibn Anas yaqul. J'ai entendu l'imam Malik ibn Anas dire: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. Je ne suis qu'un être humain. Parfois je me trompe et parfois j'ai raison. فانظروا في رأيي. Examinez mes opinions. فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه. celle, l'avis, l'opinion qui est conforme au livre et la sunna, adoptez-la. وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. L'opinion qui n'est pas en accord avec le livre et la sunna, abandonnez-la. Il y a cette parole célèbre de l'imam Malik aussi, qui est connue et que les savants attribuent à lui, notamment Zahabi dans Sir A'lam Nubala, Ibn Kathir dans son tafsir, Al-Aloussi dans Ruh al-Ma'ani, l'imam Sakhawi. Cette fameuse tradition, c'est Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Tout être humain verra certains de ses avis acceptés et certains rejetés, réfutés, sauf l'habitant de cette tombe. Et il désigna la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul dont les propos sont irréfutables. Dans une autre version, je donne une autre version de cette tradition. Ma minna min ahadin illa radda wa radda alayh illa sahib hadha al-qabr. Il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas réfuté les avis d'autrui et qu'autrui n'ait pas réfuté les siens, sauf l'hôte de cette tombe, à savoir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abi Hatim rapporte dans Muqaddimat al-Jarh wa al-Ta'dil, dans son livre, qu'Ibn Wahb, Ibn Wahb c'est l'élève de Malik. Ibn Wahb, qu'est-ce qu'il a, il a dit? J'ai entendu des gens interroger Malik sur le nettoyage de l'espace entre les orteils dans les ablutions, et il leur a répondu qu'on ne doit pas le faire. Ils lui ont dit, bon, quand on fait les ablutions, est-ce qu'on a le droit de curer l'espace entre les orteils? Et il a dit non, on ne doit pas le faire. J'ai alors attendu jusqu'à ce que les gens soient partis. Je lui ai dit, nous avons à ce sujet une sunna. Il a dit, nous avons à ce sujet une sunna. Et Malik lui dit, laquelle? Et Ibn Wahb, il cita l'isnad. Isnad du hadith du prophète. Il dit, Al-Layth ibn Sa'd rapporte, selon Ibn Lahi'a et Amr ibn al-Harith, rapporte sur l'autorité de Yazid ibn Amr al-Mu'afiri, lequel rapporte sur l'autorité de Abdurrahman al-Hanbali, de Abu Abdurrahman al-Hanbali, lequel rapporte d'Al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel a dit, j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam curer l'espace entre ses orteils par son auriculaire. Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit, cité ce hadith quand on a fait Bulugh al-Maram. Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yadluku bi khinsarihi ma bayna asabi'i rijlihi. Et l'imam Malik a dit, ah, l'autorité canonique de ce hadith est assez bonne. Hadha al-hadith hasan. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'a. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'aujourd'hui. Et Ibn Wahb a dit, il a dit, depuis ce jour-là, quand quelqu'un lui posait une question sur le nettoyage de l'espace entre les orteils, il lui répondit que c'est recommandé. Ala thumma sami'tuhu ba'da dhalika yus'al fa ya'muru bi ta'khlil al-asabi'. Ibn Hazm rapporte dans Usul al-Ahkam ou Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, selon une chaîne qui remonte à Al-Haytham ibn Jamil, que celui-ci a dit, a dit à Malik ibn Anas, rahimahullah, il a dit, Abu Abdillah, il y a chez nous des gens qui ont écrit des livres dans lesquels ils disent, un tel nous rapporte sur l'autorité d'un tel, lequel rapporte que Omar ibn Khattab a dit telle chose et telle chose. Et puis ils citent, ils disent aussi que un tel rapporte qu'Ibrahim al-Nakhai, Omar, c'est le noble compagnon, et puis il cite une autre, d'autres traditions dans laquelle, par exemple, ils disent, un tel rapporte qu'Ibrahim al-Nakhai a dit telle chose et telle chose. Quant à nous, nous optons pour l'avis d'Ibrahim al-Nakhai. C'est-à-dire que il cite la tradition ou le récit de Omar, puis il cite le récit de Ibrahim al-Nakhai, qui est un faqih, le faqih de l'Irak. Il est mort en 96 de l'Hégire. C'est un tabi'i. Et il dit, nous, ces gens-là, il dit, nous adoptons l'avis d'Ibrahim al-Nakhai. Et ils rejettent l'avis d'Omar. Malik demanda, est-ce qu'ils ont dit cela, bien que la tradition qui remonte à Omar ibn al-Khattab est authentique à leurs yeux? Qala Malik, wa sahha indahum qawl Omar. J'ai dit, là, la personne qui a rapporté cette tradition, à savoir le Haytham ibn Jamil, il a dit, Il a dit, il s'agit d'une tradition transmise par des rapporteurs, riwaya. Elle est authentique à leurs yeux, tout comme la tradition d'Ibrahim Nakhai est authentique à leurs yeux. Et Malik répliqua, il a dit, ceux-là doivent être invités à se repentir. Ceux qui rejettent l'avis du la riwaya de Omar ibn Khattab, ils prennent celle d'un successeur, il dit, ils doivent faire acte de contrition. Yustatabun. Si celui qui abandonne l'avis de Omar au profit de l'avis d'Ibrahim Nakhai, qu'en est-il de celui qui abandonne la parole d'Allah? Il y a des gens qui abandonnent la parole d'Allah et la parole de son envoyé pour adopter l'avis de quelqu'un dont le rang dans le fiqh est inférieur à celui d'Ibrahim Nakhai. Il l'adopte. Il rejette le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, passons à l'imam Shafi'i. Bon, les textes qui remontent à l'imam Shafi'i sont à ce sujet sont très nombreux. Shafi'i est clair sur ce point. L'imam al-Bayhaqi, c'est un imam Shafi'ite. L'imam al-Bayhaqi a dit dans son livre Al-Madkhal, Al-Madkhal il est Sunan al-Kubra, il a dit que Abu Abdillah al-Hafiz nous rapporte ceci. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس إلى سيتي شن دو رابورتور كي رومونت كي الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان بيان سور سي ليليف ليف البويطي المزني الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان إلى دي جي اونتوندو الشافعي دير إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si vous trouvez dans mon livre un avis qui est contraire à la sunna de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. Si vous trouvez dans mon livre un avis qui est contraire à la sunna de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, suivez la sunna de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم et rejetez mon avis. Wada'u ma qult. Le Bayhaqi rapporte également dans le Madkhal et le Sunan, selon une chaîne qui remonte à Rabi' ibn Sulayman aussi, que celui-ci a dit, un jour Shafi'i cite un hadith, et un homme lui dit, vas-tu l'adopter ce hadith, ou Abu Abdillah? Shafi'i lui donne un hadith, il lui dit, voilà. Et l'homme répond, il a dit, est-ce que tu vas adopter, est-ce que tu vas prendre en considération ce hadith? Et là, Shafi'i a dit, je vous prends à témoin. Et il désigna tous les gens, les assistants. Je vous prends à témoin dès maintenant que le jour où je cite un hadith qui remonte authentiquement à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je ne l'adopte pas, soyez sûr que j'ai perdu l'esprit. Mata rawaytu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hadithan falam akhudh bihi fa ushahidukum an aqli qad dhahab. Je vous prends à témoin que mon esprit, que j'ai perdu l'esprit, je suis devenu fou. Al-Hafiz ibn Hajar, l'Asqalani bien sûr, le grand Shafi'it, a dit dans Fath al-Bari, c'est l'explication de Sahih al-Bukhari. Il a dit qu'Al-Bayhaqi rapporte dans son livre Al-Khilafiyat le récit suivant avec sa chaîne de rapporteurs, avec l'isnad. Il a dit, l'imam Shafi'i a dit, kullu ma qult wa sahha 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khilafah fa khudhu bil hadith wa la tuqalliduni. Lorsque je dis une parole, quelle qu'elle soit, et qu'elle s'avère contraire à un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez le hadith et ne m'imitez pas. Cette même tradition, elle est dans le majmou' de l'imam al-Nawawi. Il est rapporté dans I'lam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Muqayyim qu'Al-Humaydi a dit, un homme a posé une question à Shafi'i. Lui a posé une question et Shafi'i lui a répondu par une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette question lui a dit, le prophète sallam a dit telle chose et telle chose. Et l'homme dit, est-ce que c'est cela ton avis? Et l'imam Shafi'i il a dit, écoute, me vois-tu saint d'un zonar? Et me vois-tu, le zonar c'est la ceinture que portent les moines. Il a dit, me vois-tu sortir d'une église? Je te dis, le prophète sallam a dit, tu me demandes quand même si c'est cela mon avis. L'imam al-Bayhaqi il rapporte dans son livre, avec sa chaîne de transmission, avec son isnad, dans son livre Al-Madkhal et le Sunan al-Kubra, que Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, il rapporte que l'imam Shafi'i a dit à son père, que l'imam Shafi'i a dit au père de Abdullah, c'est-à-dire il a dit à l'imam Ahmed, il lui a dit, Antum a'lamu bil hadithi wal rijali minni. Il a dit, Shafi'i a dit à l'imam Ahmed, vous êtes plus savant que moi au sujet du hadith et des rapporteurs. فإن كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. Vous êtes plus savant que moi au sujet du hadith et des rapporteurs. Si vous avez un hadith authentique, enseignez-le moi, qu'il soit del Koufa ou del Basra ou du Sham de la Syrie, afin que j'en tire argument. Et il a dit, rahimahullah, أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Il a dit, les musulmans sont unanimes sur le fait que quiconque apprend une sunna de l'envoyé d'Allah n'a pas le droit de l'abandonner et de préférer à elle la vie de quelqu'un. Ça, cette tradition se trouve dans le livre I'lam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Qayyim. Son disciple al-Muzani a dit dans l'introduction de son livre Al-Mukhtasar, il a dit, dans ce livre j'ai résumé la science de Shafi'i et le sens de ses avis pour en faciliter l'accès au lecteur, tout en avertissant qu'il a interdit de l'imiter ou d'imiter quelqu'un d'autre que lui. اختصرتو هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلام نهيه عن تقليده وتقليد غيره, tout en avertissant qu'il a interdit de l'imiter ou d'imiter quelqu'un d'autre que lui. Le Bayhaqi aussi il rapporte dans son livre « Al-Madkhal ila Sunnah al-Kubra » que Rabi ibn Sulayman a dit « J'ai entendu Shafi'i dire « Celui qui apprend la science sans revenir aux arguments scripturaires, c'est-à-dire il accumule les masa'il, les responsables, les questions religieuses. » Il a dit, celui qui apprend la science sans revenir aux arguments, au dalil, est comparable à un bûcheron. Travaillant la nuit, il ramassait des paquets de bois alors qu'ils peuvent contenir des serpents prêts à le mordre sans qu'il ne s'en rende compte. « Mathalu alladhi yatlubu al-ilm bila hujja kamathali hata bilayl yahmilu huzmatan huzmat hatab wa fihi af'at al-daghu wa huwa la yadri. » Celui qui apprend la science, il accumule les questions sans revenir aux arguments, au dalil, est comparable à un bûcheron qui travaille la nuit et il ramassait des paquets de bois alors qu'ils peuvent contenir des serpents prêts à le mordre sans qu'il ne s'en rende compte. L'imam Ahmed ibn Hanbal, bien sûr, l'imam, lui aussi, il a mis en garde contre le taqlid et il a dit qu'il ne faut pas le suivre sans dalil. Abu Daoud, vous le connaissez, Abu Daoud, l'auteur des Sunan, il est le disciple de l'imam Ahmed. Il a dit, j'ai demandé à l'imam Ahmed, je lui ai dit, l'Aouza'i c'est le fondateur d'un madhab, il y avait un madhab Aouza'i, seulement il a connu un déclin. Al-Aouza'i, j'ai demandé à l'imam Ahmed, Al-Aouza'i est-il plus suivi que Malik? Et là, l'imam Ahmed, il a répondu, il a dit, n'imite aucun de ces savants dans ta religion. Ce qui t'est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, prends-le. Il dit, tu n'imites aucun de ces savants dans ta religion. Ce qui t'est parvenu du prophète sallam et de ses compagnons, prends-le. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. Il dit, quand il s'agit des tabi'in, on a le droit de choisir, parce que leur époque était proche de l'époque des tabi'in. Cette tradition rapportée par Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. Ibn al-Qayyim rapporte également dans I'lam al-Muwaqqi'in que l'imam Ahmed a dit, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. Ne m'imite pas Malik, n'imite pas non plus Thawri ni l'Auza'i, et prends de là où ils ont pris. Il a dit aussi, من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. Quand l'homme imite dans sa religion les hommes, cela relève de son manque de compréhension. Il a dit, la tuqallid dina ka rijal fa innahum lan yaslamu min an yaghlatu. Il a dit, n'imite pas les hommes dans ta religion car ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Et il a dit, ra'yu al-awza'i wa ra'yu malik wa ra'yu abi hanifa kullu ra'yi wa huwa indi sawa wa innama al-hujjatu fi al-athar. L'avis d'al-awza'i, l'avis de malik, l'avis d'abu hanifa demeurent des avis. Ce sont des avis pareils à mes yeux. Car l'argument d'autorité réside dans la tradition et les hadiths. Ibn Abd al-Barr al-Maliki rapporte dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli, avec une chaîne qui remonte à Salam ibn Shubayb, que celui-ci a dit, j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire, Ahmed radda hadith à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halaka. Marradda, celui quiconque rejette le hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam risque de tomber dans la perdition. Voilà. Tous ces savants ont interdit aux gens de les imiter aveuglément et les renvoient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voix des compagnons, et déclarent clairement que si un de leurs avis contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet avis est à rejeter. Ils appellent les gens à revenir, à attribuer tout hadith authentique à leur madhhab. Il a dit, Ida sahal hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab, c'est mon école, je l'adopte. C'est celle-là la vérité qu'il faut suivre en fin de compte. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Si vous disputez, vous vous disputez au sujet de quelque chose, remettez l'affaire, Farodo, remettez l'affaire à Allah et à l'envoyé si vous êtes croyant en Allah et en le jour dernier. Cela vaut mieux et c'est ce qu'il y a de meilleur comme retour et comme finalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa. Or, les muqallidin, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans une question comme ça qui fait l'objet de divergence? Est-ce qu'ils font le rad? Est-ce qu'ils font? Ils remettent l'affaire à Allah? Non, ils remettent l'affaire à l'imam de leur madhab. Voilà, ils s'en remettent à son avis. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Or non, par ton Seigneur, ils ne seront vraiment croyants qu'à partir du moment où ils te prennent pour juge dans leurs différends et qu'ils ne ressentent plus aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta décision. Aucune gêne, que je suive le madhab malikite ou hanafite ou hanbalite et que je trouve un argument qui est contraire à celui de mon imam, je suis la vérité sans me sentir gêné. C'est ça le vrai islam, c'est ça la vraie soumission. Est-ce que ces imams ont cerné toute la sunna? Si bien qu'aucun hadith ne les échappe. L'imam Shafi'i, l'imam min ahadin illa wa tadhhabu anhu alayhi sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zubu an. Il n'est personne qui connaît tous les hadiths. Toute personne, ça lui échappe quelque chose de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit. Aucun de ces imams, bien sûr, n'a cerné toute la sunna. Cela fait l'unanimité, ça c'est ijma' des ulama. D'ailleurs, quand le calife Harun al-Rashid ou Abu Ja'far al-Mansur, Allahu a'lam, il a proposé à l'imam Malik d'imposer les enseignements qui sont dans le Muwatta. Quand ce calife a demandé à proposer à l'imam Malik d'imposer les enseignements qui sont dans le Muwatta aux gens, Malik refusa et justifia son refus par le fait que les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'étaient répartis partout dans le monde et chacun d'eux avait emporté avec lui des hadiths qui ne sont pas chez les autres. Et il avait raison, rahimahullah, l'imam Malik. Donc, vous savez, l'enregistrement du hadith, sa codification et le voyage à la recherche du hadith ne s'est fait de manière significative que plus tard. Écoutez, si Abu Bakr, le calife Abu Bakr, le bien-aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, si Omar, si Uthman, si Ali ibn Mas'ud, Aïcha, Abu Huraira ne connaissent pas tous les hadiths, a fortiori les tabi'in et leurs successeurs ne les connaissent pas. Je crois que c'est évident. C'est difficile de comprendre ça. quand ils étaient ensemble, ils étaient réunis à Médine. Et pourtant, ils n'ont pas connu tous les hadiths. Donc, à plus forte raison, les tabi'in ne vont pas les connaître, surtout avec les conquêtes. Et chaque groupe de compagnons est allé dans un pays. Parmi eux, il y en a qui ont résidé au Cham, l'Égypte, l'Irak, l'Yémen, Nissabour. Ils se sont dispersés, chacun a emporté avec lui les hadiths qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a des exemples nombreux que les grands compagnons ne connaissent pas toute la sunna, ne cernent pas tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à la grand-mère du défunt le sixième de la succession. Et il jugeait qu'il n'a droit à rien. Et quand Al-Mughira ibn Shu'ba et Muhammad ibn Maslama lui rapportèrent le hadith du prophète, il revint sur son jugement et lui accorda le sixième. Omar n'était pas au courant que le prophète a exigé qu'on prie du sang du fœtus, c'est ce qu'on appelle l'ghurra ou l'gharra. Il a exigé qu'on prie comme gharra du fœtus un jeune esclave, garçon ou fille. Il ne savait pas, il ne l'a appris que des compagnons. Il ne savait pas que la veuve hérite du prix du sang de son époux. C'est Ad-Dahhak ibn Sufyan qui lui informa que le prophète sallam a jugé que l'épouse de Ushaym Ad-Dababi a droit à une part du prix du sang de son nid et de son mari. Il ne savait pas qu'il faut prélever la capitation des Majus, des Zoroastriens. Jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Auf lui informa que le prophète sallam a imposé le régime de la capitation aux Zoroastriens, aux Majus de Hajar, au Bahreïn. Uthman ne savait pas que l'épouse du défunt doit rester dans la maison de celui-ci jusqu'à la fin de sa retraite de continence, 4 mois et 10 jours. Pour celle qui n'est pas enceinte, bien sûr. Il ne savait pas avant que Furaya bint Malik ne lui informe que l'envoyé d'Allah l'astreignit à demeurer dans la maison de son époux jusqu'à l'expiration de sa idda, comme le rapporte le Hakim dans le Moussadrak et autres. Il y a beaucoup d'exemples. Si la sunna échappe à ses grands compagnons, alors que la terre de l'islam ne s'était pas encore élargie, a fortiori, elle va échapper aux générations postérieures. Je pense que c'est une évidence. Les muqallidines pensent que leur imam connaissent toute la sunna, c'est ça le problème. Et ils racontent pour cela des légendes, les légendes et les histoires finissent pas. Ils ont aussi une autre shubha. Ils pensent que si l'imam se trompe dans un hukm et qu'ils le suivent dans son erreur, ils seront excusés. Ils auront la même récompense que lui. En se basant sur le hadith, si celui qui détient l'autorité, soit l'autorité et le pouvoir ou détient la science, prononce un jugement après un effort de réflexion et qu'il s'avère juste, il en tirera une double récompense. S'il se trompe, il en tirera une seule récompense. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ واجتهد فأخطأ فله Ajr, ce hadith est connu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ils croient qu'ils ont la même excuse que le mujtahid. Ils disent, le mujtahid, s'il se trompe, il a une récompense. S'il a raison, il a deux récompenses. Mais cette chouba, ce qu'ils pensent, c'est faux. Car comme a dit le cheikh Mohamed Amin Shanqiti dans Adwa Ali Bayan, il a dit l'imam qu'ils ont imité à déployer ses efforts dans la compréhension du livre d'Allah, de la sunna de son envoyé, les paroles et les fatwas des compagnons. Il a dit وَهَذَا ظَنُّ كَاذِبٌ بَاطِلٌ بِلَا شَكْ لِأَنَّ الْإِمَامَ الَّذِي قَلَّدُوهُ بَذَلَ بِذَلِكَ جُهْدَهُ فِي تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْوَالِ أَصْحَابِهِ وَفَتَاوِيهِمْ. Inch'Allah, la prochaine dars, je continue la traduction de ce témoignage du Cheikh Amin Shanqiti, de sa réfutation de cette chouba des muqallidin. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.